senti sa voix, fait la mabé manger une voix. Bon morceau non non, moins fait, c'est moi jamais vieille pété, j'ai chat. Qui senti sa voix, fait la mabé manger une voix. Bon morceau non non, moins fait, c'est moi jamais vieille pété, j'ai chat. Je moi pas de besoin manger ou si m'en do connaît c'est plaisant qui bigot comprendre c'est tout bon qui sourit assez manger grain quoi bouillon pas bon dans belle ma bouille entre dans you qui bouillon pas bien dans pour gêné à la côte de souris à la côte de souris toute la journée. À la côte de souris, à la côte de souris, toute la journée. C'est tu, souris pour manger tout maya dans menon là non pas récolte encore nous là souris pour manger maya là dans figure on peut pas dans rien ça dit là souris jade souris jade souris jade